chialer. Le monde entier n'est pas là pour ça. Le monde entier. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 29 octobre, nous souhaitons une bonne fête aux Narcisses. Les dictons du jour nous disent: à la Saint-Narcisse, les mouches aux pêcheurs les touchent. Neige le jour de Saint-Narcisse, pour le blé est un bénéfice. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, journée mondiale du psoriasis. Dans les événements qui se sont déroulés un 29 octobre en 1946, c'était la sortie de La Belle et la Bête, le film fantastique réalisé par Jean Cocteau. Et en 1959, le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo donnaient naissance au personnage emblématique d'Astérix, l'irréductible Gaulois. Allez, tout de suite, première pause musicale avec le groupe The Script et leur titre The Man Who Cannot Be Moved. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where if I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that beat me. And you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving. Me, and your heart starts to wander, oh, where I'm at. Le groupe The Script sur RGM, presque 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 29 octobre. 1942, naissance de Gérard Klein, acteur français, également animateur radio, producteur et présentateur de magazines documentaires, connu pour son rôle de Victor Novak dans la série télé L'Instit. 1947, naissance de Richard Dreyfus, acteur américain vu dans Le Lauréat, American Graffiti, Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type ou encore Adieu Je Reste, récompensé de l'Oscar du meilleur acteur. C'est également l'année de naissance de Pauline Serreau, réalisatrice scénariste française de Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, Trois hommes et un couffin, La Belle Verte, K.O. encore 18 ans après. 1951, naissance d'Anne Alvaro, comédienne française, vue dans Le goût des autres dans le rôle de Clara, César de la meilleure actrice dans un second rôle, Le scaphandre et le papillon dans le rôle de Betty, Le bruit des glaçons dans le rôle de Louisa, César de la meilleure actrice dans un second rôle, ou encore Yves Saint-Laurent dans le rôle de Marie-Louise Bousquet. 1955, naissance de Roger O'Donnell, claviériste britannique du groupe The Cure, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Boys Don't Cry. Voilà pour l'extrait des Cure. On continue. 1963, naissance de Christophe Alévèque, humoriste et chroniqueur français. 1971, naissance de Winona Ryder, actrice américaine, vue dans Beetlejuice dans le rôle de Lydia Dietz, Édouard Romain d'Argent dans le rôle de Kim Boggs, Les Quatre Filles du Docteur Marsh dans le rôle de Joe Marsh, Alien la Résurrection, Black Swan dans le rôle de Bess McIntyre, ou encore la série télé Stranger Things dans le rôle de Choice Bears. 1972, naissance de Steve Estatoff, chanteur français, découvert dans l'émission La Nouvelle Star. Il a sorti le titre Garde-moi, c'était il y a quelques années. Petit rappel de ce que cela donnait. J'ai tant de choses à te dire, tant de choses qui me déchirent, mais ces cordes à mes poignets, j'ai pas de honte à les montrer. J'ai lutté pour passer avant toi sur les dangers. J'ai volé pour sauver tes sourires et ta fierté. J'ai menti à la vie. J'ai menti, mon ami. Voilà pour l'extrait de Steve Estatoff. 1973, naissance de Robert Pires, ancien joueur de foot français, ayant fait carrière de 1993 à 2015 en jouant à Metz, Marseille, Arsenal, Villarreal, Aston Villa, au FC Goa, champion du monde 98 et champion d'Europe 2001, on s'en souvient. 1976, naissance de Mark Sheahan, chanteur irlandais du groupe The Script. 1977, naissance de Brendan Fair, acteur canadien connu pour son rôle de Michael Guerin dans la série télé Roswell, son rôle de Dan Cooper dans Les Experts Miami, Jared Booth dans Bones ou encore apparu dans Nikita. 1979, naissance d'Olivier Barthélémy, acteur français vu dans Chétan dans le rôle de Bart ou encore Largo Winch 2 dans le rôle de Simon Ovronaz. 1980, naissance de Ben Foster, acteur américain vu dans Fun Game dans le rôle de Big Q, The Punisher, Alpha Dog, X-Men l'affrontement final dans le rôle de Warren Worthington, troisième du nom alias Archangel, Inferno dans le rôle de Bertrand Zobrist, apparu dans Rock'n'Roll de Guillaume Canet, la série télé Six Feet Under dans 22 épisodes dans le rôle de Russell Corwin. 1982, naissance de Nicolas Gobb, comédien belge vu dans la série Les Bleus, premier pas dans la police dans le rôle de Kevin Laporte, Merci les enfants vont bien dans le rôle de Benjamin ou encore Un village français dans le rôle de Jean Marchetti. 1985, naissance de Janet Montgomery, actrice britannique vue dans Black Swan dans le rôle de Madeline alias Petit Signe, la série télé Entourage dans le rôle de Jenny, Downton Abbey, Salem ou encore This Is Us dans le rôle d'Olivia Mayne. 1987, naissance de Tove Lo, chanteuse suédoise. 1992, naissance d'Evan Fournier, basketteur français professionnel depuis 2009, ayant joué à Nanterre, Poitiers pour les Nuggets de Denver et depuis 2014 il joue pour le Magic d'Orlando en équipe de France. Il compte 3 médailles de bronze, 2 en Coupe du Monde, c'était en 2014 et 2019, et une au Championnat d'Europe 2015. En 1981, décédé Georges Brassens, auteur, compositeur, interprète français. En 1999, décédé Greg, créateur du personnage de bande dessinée Achille Talon. En 2010, décédé Takeshi Shudo, scénariste japonais, créateur des Pokémon. Et en 2011, décédé Robert Lamoureux, acteur français et réalisateur, vu dans Mais où est donc passée la 7e compagnie. On a retrouvé la 7e compagnie et la 7e compagnie au clair de lune dans le rôle du colonel Blanchet et réalisateur de ces 3 films. Allez, tout de suite, on va s'écouter la chanteuse Tove Lo avec le titre Heroes en featuring avec Alesso. Secret set in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be. Yeah. C'était Tovlo Alesso avec le titre Heroes sur le 107FM. Il est un petit peu plus de 8h46, on fait un point sur la météo. La météo. Bon bah malheureusement aujourd'hui ce sera comme hier, hein, des nuages, de la pluie, des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 8 et 9 degrés pour cet après-midi. Mercredi ce sera de la pluie, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 9 et 10 degrés prévus pour mercredi après-midi. Jeudi devrait marquer le retour du soleil avec tout de même des nuages, des températures qui deviendront fraîches le matin puisqu'on aura entre 3 et 4 degrés jeudi matin, entre 10 et 11 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On parle tennis avec le Paris Master et hier, carton plein pour nos Français. Jérémy Chardy s'est qualifié en 3-7 face à Sam Querrey, 5-7, 6-3, 7-5. Benoît Paire qualifié en 2-7 face à Dzoumour, 7-5, 6-4. Joe Wilfried Tsonga qualifié en 3-7 face à Rublev, 4-6, 7-5, 6-4. Et Adrian Manarino qualifié en 2-7 face à Rude, 6-4, 6-2. Au programme d'aujourd'hui, 4 Français sur les cours. Motet affrontera la Gilles Simon sera opposé à Chapovalov, Humbert à Dimitrov et Chardy à Medvedev. Et à noter que pour le Paris Master, Richard Gasquet est forfait, tout comme Roger Federer. Ce dernier a déclaré être extrêmement déçu. Désolé pour mes fans français que je verrai l'année prochaine à Roland-Garros. Le rendez-vous est pris. Côté féminin au WTA Finals, Svitolina s'est imposée en 2-7 face à Pliskova et Alep s'est imposé en 3-7 face à Andreescu. Aujourd'hui, Barty affrontera Osaka et Kvitova sera opposée à Bencic. Et en double féminin, à noter que la paire Mladenovic-Babos a battu la paire Chan de 7-1. On parle de la Fed Cup. La finale approche à grands pas. Ce sera les 9 et 10 novembre prochains. Julien Beneteau a publié la liste des joueuses sélectionnées pour la finale donc, de Fed Cup. Il y aura Alizé Cornet, Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic ou encore Pauline Parmentier. Un mot de football ce soir en Coupe de la Ligue. Nîmes affronte Lens et Bordeaux affronte Dijon. Et du côté de chez nous, en volley, 8e de finale de Coupe de France, Épinal reçoit ce soir Tours. Allez, Épinal, on est tous avec vous. Allez, un petit communiqué du mouvement citoyen. Nous voulons des coquelicots stop aux pesticides qui organise un rassemblement cette fois-ci à Rupt-sur-Moselle ce vendredi 1er novembre à 18h30, place de la mairie. Ce rassemblement a pour but d'exiger des responsables politiques l'interdiction des pesticides, herbicides, fongicides de synthèse. Toute la population est invitée à cette manifestation pour affirmer sa détermination d'un environnement et d'une alimentation saine et dépourvue de toute pollution. A noter que chacune et chacun peut aussi soutenir ce mouvement en signant la pétition sur internet en se rendant sur le site nousvoulonsdescoquelicotsattachés.org. Et on termine avec une idée sortie. Si vous êtes en vacances et que vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, le centre aquatique est ouvert aujourd'hui de 10h à midi et de 14h à 19h20. Espace pour tout le monde, aussi pour les grands que pour les enfants, avec deux plongeoires, un toboggan ou encore un espace détente avec spa et sauna. 75 Faubourg du Val d'Ajol, Armiremont. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Georges Brassens et Les Copains d'abord. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts.